Alors bonjour et bienvenue à l'Église baptiste de l'Évangile encore une fois. Et on poursuit ce matin notre étude dans l'Évangile de Matthieu. Alors je vous invite à tourner au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20, qu'on va lire ensemble. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous voulez bien, on va prier. Seigneur grand Dieu, tu te soucies beaucoup plus que moi. Des élus, de ceux que tu as choisis, du monde. Tu as beaucoup plus compassion que moi, Seigneur, des gens autour. Seigneur, tu te soucies beaucoup plus de l'intégrité de ta parole que je ne le fais, Seigneur. Alors, je te demande de m'aider dans ce message, m'aider à communiquer ta grâce, ton amour et surtout la vérité, Seigneur. Enlève de ma bouche le mensonge et remplace-les par ta vérité, par ta parole. Dis à ton peuple, à travers ma bouche, ce que tu veux leur dire. Remplace mes commentaires par les tiens, mes paroles par les tiennes, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié aujourd'hui. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons vu que le désir de Dieu a toujours été d'atteindre le monde entier. Que le salut, ce n'est pas quelque chose qui a commencé dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? En effet, lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi » dans Genèse chapitre 12. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le désir de Dieu a toujours été d'atteindre les perdus dans le monde entier et de les amener à lui, c'est-à-dire en relation avec lui-même. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, il est écrit « Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans cet autre verset qui nous est plus familier, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le désir de Dieu a toujours été de sauver. Dieu est un Dieu sauveur. Et dans notre texte de ce matin, dans Matthieu chapitre 28, à ce petit nombre de personnes, ses disciples qui sont sur une colline de Galilée, et à tous ceux qui ont cru, y compris nous, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, Jésus donne ce commandement, donne cet ordre de faire des disciples. C'est le cœur de notre vocation terrestre, faire des disciples. Nous sommes sur la terre pour faire des disciples. La dernière fois, nous avons vu également que l'enseignement, la prédication, la louange et la communion fraternelle sont des choses, des éléments très importants pour l'Église. Mais ils ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre. En effet, tous ces éléments seraient mieux faits au ciel, n'est-ce pas? L'enseignement, la prédication, la louange, la communion fraternelle, ce serait fait parfaitement au ciel, dans l'amour, dans la vérité. Mais la mission, on ne peut pas la faire au ciel. C'est ici, c'est pendant qu'on est sur la terre, c'est la mission terrestre que Dieu nous a donnée. Et nous avons vu que la mission également accomplit notre raison d'être, qui est de donner gloire à Dieu. Glorifier Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et la mission accomplit la gloire de Dieu. Parce que Dieu, le désir de Dieu, c'est d'être glorifié à travers le salut des pécheurs. Le désir de Jésus-Christ, c'est de glorifier son Père en sauvant des pécheurs. Et notre désir, ce désir que Dieu a mis en nous, cette mission, est de glorifier notre Père céleste en cherchant les pécheurs perdus et afin qu'ils soient sauvés et afin qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Et lorsque ça arrive, lorsqu'on en trouve un, si je peux m'exprimer comme ça, lorsque quelqu'un est sauvé, c'est une autre personne qui sert à la louange de sa gloire, nous dit Éphésiens chapitre 1. Donc, le verbe « matetheo », qui est traduit par « faire des disciples », c'est celui qui met sa foi en Christ, celui qui suit pour apprendre de lui. Disciple, matetheo, faire des disciples. Nous sommes ici pour chercher les élus de Dieu. Comprenez-vous ça? Les élus de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi. De la même façon, de la même manière, pour la même raison. Afin de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc ça, c'est la mission. De faire des disciples. C'est clair. Dieu nous envoie. Il nous donne une mission, un commandement. Voici ce qu'il faut faire. Mais comment faire ça? Comment accomplir la mission maintenant que Jésus nous a donnée? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder 5 éléments essentiels qui, explicites ou implicites dans le texte, qui nous aident à accomplir la mission efficacement. Donc, on va parler de la disponibilité, on va parler de l'adoration, on va parler de la soumission, de l'obéissance et, non le moindre, la puissance par laquelle on agit. Donc, tout d'abord, regardons la disponibilité, qui est premièrement une attitude de cœur, la disponibilité. Au verset 16 de Matthieu 28, on peut lire « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » C'est-à-dire qu'ils étaient disponibles. Ils se sont rendus disponibles pour ce que Jésus a demandé. Jésus leur avait dit au chapitre 26, verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Au chapitre 28, l'ange avait dit aux femmes qu'elles allaient voir Jésus au tombeau. « Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. » Jésus lui-même, est apparu aux femmes, un petit peu plus loin au verset 10. Jésus leur dit, « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » En d'autres termes, avant et après sa résurrection, Jésus a dit qu'il allait rencontrer ses disciples en Galilée. Il a convoqué une grande réunion afin de parler à ses disciples, afin de les enseigner et de les envoyer en mission. Ce commandement a été donné à ses disciples sur une colline de Galilée. C'est à eux, mais également à tous ceux qui ont placé leur foi dans le précieux nom de Jésus-Christ que ce commandement, que cette mission a été donnée, c'est-à-dire à vous et moi. Les disciples étaient là où ils devaient être, sur la colline, en Galilée. Ils étaient au moment où ils devaient y être. Et c'est là que ça commence, par notre disponibilité. Vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, on se rend disponible. Et j'aimerais vous raconter une anecdote qui ne commence pas très bien, mais qui fait heureusement, se termine bien. Et c'est un petit peu personnel ce que je vous raconte. Lorraine, mon épouse, récemment a décidé de se lancer dans la fabrication de boîtes à fleurs pour accueillir des vivaces à chaque année qui vont repousser. Donc, savez-vous quelle a été ma première réaction? Et c'est là que ça commence pas bien. En tout cas, moi, je m'occupe pas de ça. Si tu veux scier des planches, t'essieras toi-même. Parce que ça, c'est la chair qui a parlé ici, là. Parce que je voyais ça, première des choses, comme un fardeau, ce qu'elle demandait, ce qu'elle voulait faire. Comme quelque chose d'inintéressant qui ne m'apportait pas à moi rien. C'est le Patrick égoïste, le Patrick paresseux. C'est la chair qui parlait à ce moment-là. Et je n'avais rien à gagner à scier des planches. Mais gloire à Dieu. Et c'est là où est-ce que ça va bien, ça va mieux. Gloire à Dieu, je veux le dire, qui par son esprit a pris le dessus sur moi. Il me parlait, il me dirigeait afin que j'aille vers mon épouse, que je me repente et que je l'aide et qu'ensemble on puisse fabriquer en communion l'un vers l'autre, poussé par l'Esprit Saint, à fabriquer ces boîtes à fleurs. Parce que j'aime ma femme, parce que l'Esprit de Dieu me pousse, m'a poussé vers ma femme, m'a poussé à aimer Lorraine comme Christ aime l'Église, ensemble on a fabriqué les bacs à fleurs. Donc vous pouvez voir un exemple ici. Dieu m'a rendu disponible et c'est à lui que je rends gloire. Et je disais, lorsqu'on aime quelqu'un, on se rend disponible. Lorsqu'on aime le Seigneur Jésus, nous sommes disponibles. Et donnons-lui gloire parce que c'est lui qui nous rend disponibles pour lui. C'est lui qui fait tout. On veut lui donner la gloire à lui. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi. Je ne sais pas où est-ce que tu veux m'envoyer, ce que je fais, ce que tu veux que je fasse. Mais une chose est certaine, Seigneur, pour toi je suis disponible. Pour toi je suis prêt à aller vers les nations. Pour toi je suis prêt à faire des disciples, à parler de toi, de mon roi. La disponibilité, donc, c'est implicite au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quelqu'un a dit, la plus grande capacité que vous pouvez avoir, c'est votre disponibilité. Et j'aime bien cette phrase-là. Votre plus grande capacité, c'est votre disponibilité. En effet, vous pouvez être très talentueux, vous pouvez être très connaissant et plein de ressources. Mais si vous n'êtes pas disponible, vous êtes inutile, vous êtes inefficace. La plus grande capacité, c'est votre disponibilité. Être disponible, ça signifie être prêt pour le service. Jésus a dit d'être là et les disciples étaient là. Ça me rappelle la disponibilité d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Alors qu'il y a une vision du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et il pense mourir tellement c'est impressionnant, tellement Dieu est glorieux, et il se voit tel qu'il est, il dit « j'ai pas d'affaire là », et Dieu va enlever son péché. Il va dire « qui enverrai-je ? » Et Isaïe, qu'est-ce qu'il a dit ? « Me voici Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. » Pour accomplir la mission que Jésus nous a donnée, nous devons être premièrement disponibles. Disponibles par notre temps, disponibles par nos talents et nos dons, disponibilité. Disponibilité de nos finances également, disponibilité de nos ressources qui sont mises à la disposition du Seigneur, pardon, pour être utilisées comme lui le veut et quand il le veut et pour la raison qu'il le veut. Parce que les disciples étaient là, ils ont été envoyés. Parce qu'ils étaient là, ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'ils étaient là, ils ont reçu la promesse de sa présence et de sa puissance. Alors, est-ce que tu es disponible, toi, pour Jésus-Christ? Est-ce que Dieu t'a rendu disponible? Est-ce que tu vois que Dieu t'appelle à être disponible dans un domaine, pour la mission, entre autres? Es-tu prêt à dire non à tout ce que tu possèdes, à quel que soit le temps que tu penses qu'il est le tien, si Dieu dit « c'est le mien », es-tu disponible? Donc, première des choses, disponibilité. Deuxième élément essentiel ou attitude essentielle pour accomplir la mission, c'est l'attitude d'adoration qu'on voit au verset 17. Ils se sont prosternés devant lui. Prosterner devant lui. Le mot prosterner, c'est le mot proscuneo. C'est se prosterner littéralement pour adorer. C'est pas une génuflexion, là. C'est pas je suis fatigué, je me couche. C'est vraiment se prosterner dans le but d'adorer, pour adorer. Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu en parlant de Jésus-Christ. C'est plus que rendre hommage à un roi terrestre ici, là. C'est un honneur pour Dieu lui-même fait chair. Même dans sa mort, vous rappelez, le centurion a dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ils sont tombés sur leur face pour adorer le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est nécessaire pour accomplir la mission d'avoir un cœur d'adorateur, un cœur qui aime celui qui l'envoie, celui qui les envoie. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon roi, Jésus, mon maître, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon créateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon Dieu. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Et lorsque celui qu'ils venaient adorer, leur a parlé, il les a envoyés. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont partis parce que Jésus les avait envoyés. Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et c'est lui-même aussi qui a dit, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Je veux vous parler de Jésus. Je suis en mission pour vous faire connaître Jésus. C'est Jésus qui m'envoie. Jésus, c'est ma vie. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, le verset 17 de Matthieu 28. Donc, première condition essentielle, première attitude, devrais-je dire, c'est la disponibilité. Et la deuxième, c'est l'adoration. C'est une question de savoir pour qui je le fais, pour qui je pars, pour qui je parle. Notre motivation, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et puis, j'aime ce commentaire, « Mais certains eurent des doutes. » Certains eurent des doutes. Et c'est à se demander pourquoi est-ce que Matthieu a écrit cette phrase, a mis cette phrase en plein milieu du verset. Voyons, Matthieu, tu es en train d'essayer de prouver que Jésus est ressuscité et tu as un moment d'inattention ou quoi, où tu écris « Mais certains eurent des doutes. » Ce que je vois dans ce verset-là, c'est l'honnêteté et la transparence de l'écrivain biblique, qui ne cherche pas à monter une histoire invraisemblable en sélectionnant les meilleurs moments, ceux qui font son affaire à Matthieu. Matthieu, par la grâce de Dieu, est devenu un homme intègre. Et son récit transpire cette intégrité-là. Pourquoi est-ce que Matthieu a écrit ça? Mais certains eurent des doutes. Tout simplement parce que c'était vrai. Parce que c'est ça qui est arrivé. La Bible dit la vérité. Mais ils doutaient de quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Ils doutaient de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont douté? Le verset du 7 nous dit, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » Et le verset 18 continue, dit, « Jésus s'étant approché, » ou « Jésus s'avança. » Et on a un début d'explication ici. Jésus est à une certaine distance, je crois, lorsqu'il apparaît sur la colline. Et certains le reconnaissent et se prosternent pour adorer. Et d'autres ne sont pas certains que c'est lui. Ils ont des doutes. Alors Jésus va s'approcher. Il va leur parler pour apaiser ces doutes-là. Et justement, je n'ai aucun doute que leurs doutes ont été apaisés et qu'ils se sont prosternés également. Lorsque l'on parle d'atteindre un monde perdu, il faut avoir la bonne attitude pour y parvenir. L'attitude qui dit « Je suis disponible, Seigneur. Je veux ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. » Et il faut le faire pour les bonnes raisons. Et une de ces, pas une, mais la bonne raison, la seule raison pourquoi on veut accomplir la mission, c'est une personne, c'est à cause d'une personne, c'est à cause de Jésus. C'est lui qui nous envoie. C'est notre Seigneur, notre Sauveur. Je me souviens sur la route entre La Sarre et Malartic, un vendredi après-midi, où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma vie, à ce moment-là, sur la route, à 90 km/h, a été changée en un instant. Et j'ai dit à Dieu, « Fais de ma vie ce que tu veux. Elle t'appartient, Seigneur. Je te remercie de m'avoir sauvé et je vais faire ce que tu veux que je fasse. » Où est-ce que tu veux que je le fasse? Je suis disponible pour toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse maintenant. Deuxième attitude, première attitude, disponibilité. Deuxième attitude, un cœur d'adorateur. Et ça signifie garder le focus, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Lorsqu'on a Jésus comme objectif, lorsqu'on garde les yeux fixés sur notre but qui est Jésus-Christ, là, je peux dire, dans notre ligne de mire, alors le reste a moins d'importance. Ou le reste, devrait dire, n'a plus d'importance lorsqu'on voit parfaitement Jésus. Rappelez-vous lorsque les femmes se rendaient au tombeau pour voir Jésus. Dans Matthieu 28, verset 9, ça nous dit « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Et à ce moment-là, je peux vous dire que pour elles, il n'y avait plus rien d'important. Le monde aurait pu cesser de tourner. Et ça n'avait aucune espèce d'importance parce que celui qu'ils avaient tant espéré voir vivant était là. Parce que celui qu'ils aimaient, celui qu'ils chérissaient, était ressuscité des morts. Il était devant eux vivant. Le reste n'avait plus d'importance. Et parce que les disciples ont vu Jésus vivant, le monde a été tourné à l'envers. Le monde a été renversé par un petit groupe de témoins de la résurrection. Nous avons entendu l'Évangile parce que une ou des personnes se sont rendues disponibles pour Dieu afin de nous parler. Et par conséquent, ils étaient également des adorateurs du Seigneur Jésus. Lorsque nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons disponibles pour lui. Les adorateurs sont disponibles pour le Seigneur Jésus. Un adorateur, par définition, c'est quelqu'un qui est disponible pour lui parce qu'il a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Notre cœur est en Christ, notre amour est en lui, notre esprit est en lui, en lien avec lui. Il est tout en tous. Il remplit notre pensée, notre volonté, et ses commandements nous sont agréables. Es-tu disponible pour Jésus? Est-ce que Dieu t'a rendu disponible? Est-ce que Dieu t'appelle dans une direction? Ne lui résiste pas. Ne résiste pas au Seigneur. Va. Je me rends disponible pour toi. Je rends disponible tous mes biens, tout ce qui m'appartient à toi, Seigneur. Je rends disponible mon énergie, mes capacités, l'intelligence que tu m'as donnée, mes ressources, mon temps, mes talents, etc. C'est pour toi, Seigneur. Pour ta gloire, utilise-les comme tu veux. Pour mon roi, pour mon Dieu, j'irai, je vais aller. Troisième élément essentiel pour accomplir la mission, c'est l'attitude de soumission. Au verset 18, le Seigneur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. » Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Jésus a toute autorité. Le mot « pouvoir », c'est le mot « exousia ». Ça signifie « privilège ». Donc, tout privilège m'a été donné. Tout droit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donné. C'est ce que ça veut dire. On pourrait définir ce mot comme étant « la liberté de faire tout ce que vous voulez ». C'est l'autorité qu'a le Seigneur Jésus. C'est une liberté sans restriction. Jésus-Christ, avec toute autorité, est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, pour qui il veut. C'est la liberté absolue de choix et d'action. C'est l'autorité souveraine. Ce que Jésus dit finalement, c'est « Je suis en contrôle, frères et sœurs. Mes disciples, je suis en contrôle. » Mais autorité sur quoi? Contrôle sur quoi? Jésus est en contrôle sur quoi? Le Jésus qui t'envoie a autorité sur, regardez bien, Jésus a autorité sur les maladies et sur les infirmités. Matthieu chapitre 4. Il a autorité sur les démons. Matthieu chapitre 4, chapitre 8, chapitre 12. Jésus a autorité sur la mort alors qu'il va, on voit un exemple, alors qu'il va ressusciter Lazare. Jésus a autorité de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9. Il a le pouvoir de juger. Jean chapitre 5, verset 22. Jésus a le pouvoir d'amener les hommes devant le tribunal de Dieu pour le jugement éternel. Dans Jean chapitre 10, on voit Jésus qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ce sont tous des indications qui sont englobées dans l'éventail de son autorité. Jésus a autorité sur Satan. Jésus a autorité sur tout l'univers. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit « J'ai toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » C'est parce que c'est avec une attitude de soumission à cette autorité-là que nous pouvons accomplir la mission. La soumission, c'est se mettre volontairement sous quelqu'un, sous quelque chose. Donc nous, en tant que ses disciples, nous nous mettons volontairement sous lui, sous son autorité. Les disciples du Seigneur se mettent sous son autorité, l'autorité de leur sauveur, parce que son fardeau est doux et léger. Dieu, il faut comprendre ça là, Dieu opère miraculeusement cette transformation dans nos vies. Dieu nous donne un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur, conduit par l'Esprit-Saint, produit ces trois attitudes qui nous permettent d'accomplir la mission. Tout d'abord, la disponibilité. Deuxièmement, l'attitude d'adoration. Et troisièmement, l'attitude de soumission. Voyez-vous, Dieu nous a équipés pour faire des disciples. Avant de nous envoyer, Dieu nous a équipés pour faire cela. Si vous attendez d'avoir la chair de poule spirituelle avant d'aller faire des disciples, vous avez tort. Si vous attendez de ressentir le besoin d'aller avant d'aller, vous avez tort. Parce que ce n'est pas une question d'émotion ou de sensation, c'est une question de soumission à la parole de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné, nous dit Jésus-Christ. On ne peut pas venir à Jésus comme sauveur, mais non comme Seigneur. Jésus est souverain. Jésus a toute autorité. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur et le sauveur, et Jésus demande notre soumission totale et volontaire. Il règne sur la terre et le ciel. Il règne sur le physique et le spirituel. Il règne sur les anges et les démons, sur les saints anges et les démons justement qui sont tombés, qui ont chuté. Il règne sur Satan lui-même. Jésus règne sur la maladie. Jésus règne sur la mort, sur les circonstances. Jésus règne sur le vent et les vagues dans ta vie. Jésus pardonne le péché. Jésus a toute autorité. Tout est sous son contrôle. C'est ce Jésus-là qui nous envoie faire des disciples. C'est ce Jésus-là qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et cela nous amène au quatrième élément essentiel à la mission qui est l'obéissance. La mission, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. Jésus n'est pas en train de nous faire une suggestion ici. Le verset 19, c'est un commandement, ça nous dit « Faites des disciples de toutes les nations. » Jésus appelle bien entendu à l'obéissance. Comment allez-vous faire des disciples? Comment faites-vous des disciples? Comment êtes-vous en train de faire des disciples? Où êtes-vous en train de faire des disciples? De quelle façon Dieu vous utilise-t-il pour la mission? Raison pour laquelle nous sommes ici, sur la terre. Êtes-vous en train de faire Marc, chapitre 16, verset 15, qui nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » Êtes-vous en train de prêcher Luc, chapitre 24, verset 47, qui nous dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations? Comment êtes-vous en train de devenir un pécheur d'homme? Eh bien, ça va de pair avec l'obéissance. Donc, le quoi, verset 19, faire des disciples de toutes les nations. Le verbe principal ici, ce n'est pas aller, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la traduction française qui met l'impératif à aller, mais ce n'est pas là qui est l'impératif. Ce n'est pas le commandement aller. Le grec original dit « tout en allant, faites des disciples de toutes les nations ». Autrement dit, en chemin, en allant, en vous mettant en route, en vous dirigeant, en retournant, en faisant le voyage, Faites des disciples de toutes les nations. À travers votre vie, faites des disciples de toutes les nations. Le verbe, c'est vraiment faire des disciples. C'est notre vocation, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Donc, le quoi, c'est faire des disciples. Et le comment, il nous dit, en allant, en baptisant et en enseignant. Voilà comment. C'est ça, faire un disciple. La mission de l'Église, ce n'est pas d'attendre que les gens viennent vers nous, mais c'est la mission de l'Église, c'est d'aller vers le monde, d'aller à eux. Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc Jésus nous dit « Faites des disciples comment? En allant. » Ce qui signifie aller vers quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Aller là où est-ce que vous pensez que le nom de Jésus n'est pas encore invoqué. Et ce n'est pas nécessairement dans les tribus africaines ou amazoniennes les plus éloignées. Ça peut être ça. Mais comme vous savez, on n'a pas besoin d'aller très loin, n'est-ce pas, pour parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il dit, faites des disciples tout en allant. Ça peut être à votre école. Ça peut être à votre bureau, à votre travail. Ça peut être à l'épicerie, ça peut être en vacances. Ça peut être à l'extérieur du pays. Ça peut être votre voisin. Donc, le comment, c'est en allant et en baptisant. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le mot baptisé ici, c'est le mot baptiso. C'est un terme familier qui signifie immerger, tremper, plonger. Donc, on aurait pu lire les immergeants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'importance du baptême? Pourquoi est-ce que Jésus nous dit « Faites des disciples, en allant et en les immergeant, en baptisant? » Parce que, je vous dis, parce que le baptême, c'est le signe extérieur, visible, de ce qui s'est déjà produit à l'intérieur d'une transformation spirituelle, d'une décision. Au début du Nouveau Testament, le baptême était synonyme de salut. Quoique le baptême jamais ne sauve, pour les disciples, pour les premiers croyants, pour l'Église primitive, c'était synonyme. Si tu t'identifiais à Jésus-Christ, si tu disais croire en Jésus-Christ, tu te faisais baptiser, tu t'identifiais avec lui. C'était quelque chose de visible que tu voulais faire, tu voulais témoigner, tu voulais le dire. T'identifier dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, qui est merveilleusement, justement, illustrée dans l'immersion, dans le baptême. Vous savez, je n'ai jamais vu un salut, moi. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas sauvé, là. Et je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas vu des gens être sauvés. Mais le salut en tant que tel, c'est que tu as une transformation spirituelle, surnaturelle. On ne voit pas le salut en tant que tel. Hein? Tout ce que je vois, c'est le fruit, n'est-ce pas? Ce que je vois, c'est le résultat. Et si je ne vois pas le résultat, j'ai des raisons peut-être de me poser la question s'il y a vraiment le salut, si je ne vois pas le résultat. Et parce que dans l'Église primitive, il était essentiel que le salut soit démontré par le fruit de l'obéissance. Et le fruit initial de l'obéissance, c'était le baptême, bien entendu. Ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ doivent être baptisés. C'est s'identifier avec Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est s'identifier, on est uni à lui maintenant, c'est ce qu'on veut dire. Les baptisants, c'est donc la responsabilité de l'Église aussi. C'est la responsabilité du nouveau croyant, de dire « soyez baptisés », Pierre a dit, je crois. Et maintenant, Jésus nous dit « les baptisants ». Donc, c'est donc la responsabilité de ceux qui annoncent l'Évangile, pour faire un disciple, de les baptiser. Donc, la responsabilité est double ici. Nous devons dire ce que nous devons dire aux gens, ce n'est pas simplement « crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». C'est « sois baptisé également ». Maintenant que tu dis « croire », identifie-toi à lui. Proclame le beau nom de Jésus-Christ. Démontre-le en entrant dans les eaux du baptême. Parce que que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 12, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il parle d'une confession publique ici, d'une confession devant les hommes. Et le baptême, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi. Le baptême, je disais, c'était synonyme de salut. Et ça devrait l'être encore. Et là, je le répète, le baptême ne sauve pas. Mais c'est une démonstration visible de ce qui s'est passé dans l'invisible, dans le spirituel. Une démonstration physique de ce qui s'est passé spirituellement dans la vie de quelqu'un. Alors, vous faites un disciple lorsque vous conduisez quelqu'un à Christ. Et vous faire un disciple, ça signifie amener quelqu'un à la foi en Christ qui est exprimée par les eaux du baptême. Comment? En allant, en baptisant et en enseignant, nous dit le texte. Une personne qui vient à Christ, elle est prête à apprendre. Ainsi, le fardeau, notre fardeau, si je peux l'appeler comme ça, un fardeau, c'est d'enseigner également. D'enseigner ce que Jésus-Christ nous a prescrit, ce qu'il nous a enseigné lui-même, ce qu'on a appris de Jésus, il dit « enseigne-le aux nouveaux croyants. Dis-leur, parle-leur de moi. » L'idée, c'est lorsqu'une personne est réellement convertie, elle veut savoir, elle veut apprendre, elle veut se soumettre, elle veut obéir, elle veut se rendre disponible, elle veut se faire baptiser, parce que maintenant, elle est un serviteur, une servante du Seigneur. Elle est à sa disposition. Et surtout, elle est conduite par l'Esprit de Dieu, qui l'a conduit à Dieu, qui l'a conduit à Jésus-Christ, qui l'a conduit dans toutes ses voies. La personne qui est vraiment convertie a une soif et une faim de la vérité, de la parole de Dieu. De faire sa volonté, de lui être obéissant. Ça devient naturel, si je peux m'exprimer, avec sa seconde nature, avec sa nouvelle nature, devrais-je dire. Même lorsque nous sommes désobéissants, nous savons que c'est à l'encontre de notre désir le plus profond que Dieu a mis en nous, dans ce nouveau cœur, par son esprit, et nous pousse à vouloir faire sa volonté. Et même lorsqu'on désobéit, on sait que ça va à l'encontre de notre désir le plus profond. Donc, Jésus dit, faites des disciples de toutes les nations. Et donc, nous allons vers les gens. Il faut aller. Il ne faut pas attendre. Il faut aller vers les gens. Ces personnes doivent d'abord croire et démontrer leur foi en entrant dans les eaux du baptême, qui est le pas initial de l'obéissance. C'est le signe, je disais, extérieur, qu'il y a eu une transformation extérieure. Et puis le verset 20 nous dit « Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. » Ce n'est pas simplement un ministère de conversion, c'est également un ministère d'enseignement. Nous devons assurer le suivi des nouveaux croyants, ne pas les laisser à eux-mêmes. Ces nouveaux croyants qui sont maintenant désireux d'apprendre, qui veulent savoir, qui ne savent pas et qui veulent savoir plein de choses. Et dans l'amour, dans la vérité, dans la douceur, on doit leur enseigner ce que Jésus nous a prescrit, leur faire connaître le beau nom de Jésus-Christ, leur démontrer comment donner gloire au Père, à Dieu, celui qui nous a créés, la raison pour laquelle il nous a créés, pour sa gloire. Donc, une obéissance est construite sur trois attitudes qui est la disponibilité, l'adoration et la soumission. Mais même ces quatre éléments, tous ces éléments qui ont été mentionnés, ne seraient pas importants sans le dernier point aujourd'hui. Je veux dire que ce ne serait pas important que je sois disponible. Ce ne serait pas important que j'aie un cœur d'adorateur, une attitude d'adoration. Ce ne serait pas important que j'aie une attitude de soumission. Ce ne serait pas important que je sois obéissant sans le dernier et le plus important des points, qui est la puissance par laquelle j'agis. Parce que je ne peux rien faire de ma propre force. C'est important, ce point-là. Dieu nous envoie. Dieu nous a équipés pour la mission. Mais il ne faut pas partir. et sans comprendre ce dernier point. Je ne peux pas aller faire des disciples sans la fin du verset 20 de Matthieu 28, qui nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, c'est une exclamation ça, c'est pour attirer notre attention. Il nous dit « Et voici, je, moi, pas moins que moi, Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, le Fils du Dieu vivant, je suis avec vous. » N'est-ce pas formidable? Jésus est avec nous. Par son esprit, Jésus est avec nous, il est en nous. Et je m'appuie sur le fait que c'est sur cette puissance que les desseins de Dieu sont derrière tout. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour aller. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Et la promesse de sa puissance vient avec la promesse de sa présence. Voyez-vous, je suis avec vous. Je suis avec toi, te dit Jésus. Je suis avec toi. Pas moins que moi, Jésus. Et il t'accompagne de sa puissance. Et quelle puissance nous avons! Quelle puissance il a! Quelle puissance qui nous accompagne! Jésus qui nous dit qu'il a le pouvoir sur le démon, le pouvoir sur les démons, qu'il a le pouvoir sur la maladie, qu'il a le pouvoir sur le péché, de pardonner les péchés, qu'il a le pouvoir sur la mort, de ressusciter et de ressusciter ses enfants. « Je suis avec vous, nous dit Jésus. » Jusqu'à la fin du monde, nous dit-il, tous les jours. Il est avec nous en tout temps sans arrêt. Et aujourd'hui, si je témoigne, j'ai cette assurance que Jésus est avec moi. Aujourd'hui, si tu témoignes, tu peux avoir cette assurance. C'est certain, c'est absolu que Jésus-Christ est avec toi. Donc, en résumé, ce que Dieu veut de moi, et qu'il va produire en moi, c'est une attitude de disponibilité. C'est un cœur d'adorateur que Dieu va produire en moi. Ce que Dieu veut de moi et ce qu'il va produire en moi, c'est une attitude de soumission. Ce que tu demanderas, Seigneur, je le ferai. Là où tu veux que j'aille, j'irai. Le temps que tu veux que je te donne, je te le donne. Et Dieu également va produire en moi le fruit de l'obéissance. Et il me promet quoi? La puissance de sa propre présence pour toujours, pour l'éternité, pour arriver à accomplir cette mission-là. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comprenez que c'est Dieu qui nous a équipés pour la mission. Pour nous envoyer, il nous a équipés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Et ceux vers qui on va, parmi ceux que nous allons aller, il y en a qui sont élus avant la fondation du monde. Donc, les élus vont vers des élus. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, nous dit Philippiens chapitre 2. Il change nos attitudes et nos désirs et les tourne vers lui. Dieu veut se glorifier dans la mission et nous voulons lui donner toute la gloire. En l'annonçant et en comprenant que c'est par sa puissance que nous pouvons accomplir la mission. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 nous dit que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. À lui soit la gloire. Que nul, Jean chapitre 6, verset 44 nous dit que nul ne peut venir à lui, à Jésus, sans que le Père ne l'attire. J'aurais beau parler, citer tous les versets du monde. Si Dieu n'attire pas cette personne-là à Jésus-Christ, il n'y a rien qui va se produire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la foi et la repentance sont données par Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2 et Actes chapitre 11. La foi, pour croire à ce merveilleux message, et la repentance sont accordées, sont données par Dieu. Gloire à Dieu! Comprenons, frères et sœurs, comprenons, mes amis, que nous sommes simplement prêts. privilégié de pouvoir servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le prince de la paix. Nous sommes des outils entre ses bonnes mains qui servent à sa gloire. Alors soyons fiers de notre Dieu, soyons fiers de parler de lui, soyons fiers de le servir. Soyons fiers de Dieu, soyons fiers de Jésus-Christ. Soyons fiers de Dieu en parlant à notre prochain, en allant vers toutes les nations, en faisant des disciples, en présentant, en aimant notre prochain, au point de pouvoir leur présenter la personne la plus merveilleuse qui soit au monde, dans tout l'univers, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite dès aujourd'hui à vous acheter, à vous procurer des dépliants, des traités qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent du salut, qui parlent du beau nom de votre Sauveur, de mon Sauveur. À vous procurer des Nouveaux Testaments, que ce soit des Bibles Gédéon, que ce soit d'autres, gratuites, ou que vous avez peut-être payées, et à les distribuer aux gens autour de vous, qui ne connaissent ou qui ne connaissent pas, qui ont entendu parler une fois, deux fois, dix fois, cent fois, ou jamais. Dieu veut se glorifier, que ce soit avec vous ou sans vous, il va le faire. Mieux vaut que ce soit par notre intermédiaire, qu'on soit en train de servir pour le roi des rois, pour le serviteur, pour, en tant que serviteur. Tout en allant. On va terminer en priant, si vous voulez. Ô Seigneur grand Dieu, oui, comme tu es grand, comme tu es bon, comme tu es digne de régner dans notre vie. Toi qui as tout créé, toi qui as pouvoir sur tout, qui as autorité sur tout, toi qui es en contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te remercions de t'être révélé à nous, de t'être fait connaître à nous qui ne sommes rien sans toi, qui sommes perdus sans ton beau salut, sans Jésus. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui de ne pas garder secret cette bonne nouvelle, mais d'aller, de parler, tout en allant dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours, à travers notre époque, dans notre décennie, d'aller, de parler de toi. Parce qu'un jour, ta patience va se terminer. Tu vas arriver au bout de ta patience et tu vas venir juger les gens. Permets, Seigneur, que nous puissions être en train de servir lorsque tu vas revenir. Donne-nous l'amour, la compassion. Donne-nous ton amour et ta compassion pour aller vers les gens autour de nous. Donne-nous d'être fiers de toi, Seigneur, et non honteux, et non gênés de parler de toi. Rappelle-nous que c'est toi qui agis. C'est ta puissance. Rappelle-nous que tu nous accompagnes chaque fois qu'on frappe à une porte, chaque fois qu'on s'assit pour prendre un café avec quelqu'un, chaque fois qu'on parle à quelqu'un de notre famille qui ne te connaît pas, à un étranger ou à quelqu'un que l'on connaît, c'est ta puissance qui va agir. Et tu veux te glorifier. Tu cherches des adorateurs. Nous voulons une myriade de myriades de personnes qui puissent servir à la louange de ta gloire. Alors, bénis ta parole dans nos cœurs. Convainc ton peuple, Seigneur, afin qu'il te serve et te glorifie. Et comme tu l'as dit, je bâtirai mon Église. Toute la gloire t'appartient. Amen. Amen. J'invite à être de retour bientôt. Et d'ici là, allez par toutes les nations et faites des disciples.